Chapitre 16. Les griffes. À compter de ce jour, l'existence d'Ophélie devint plus carcérale que jamais. Lui furent interdites les promenades en solitaire et les pièces du manoir avec de grands miroirs. On débarrassa sa chambre de sa psyché. En attendant de pouvoir se dérober aux exigences de la cour sans éveiller les méfiances, Thorne et Bérénilde l'avaient placée sous surveillance constante. Ophélie dormait avec une femme de chambre près du lit, ne pouvait faire un pas sans avoir un domestique sur les talons et entendait la toux poussive de la grand-mère jusque derrière la porte des commodités. Pour ne rien arranger, elle avait le cou coincé dans une minerve depuis les deux gifles de Freyja. Ophélie composait avec toutes ses contraintes, bon gré mal gré. Thorne lui avait recommandé de faire profil bas et son instinct lui soufflait qu'il avait raison, du moins pour le moment. Ce qu'elle redoutait le plus était encore à venir, le retour des maîtres au manoir. Elle pressentait que c'est là que commencerait sa véritable punition pour avoir enfreint les règles. « Lui mettre un peu de plomb dans la tête », avait dit Thorne. Qu'entendait-il par là? Un après-midi de janvier, Bérénilde simula un malaise alors qu'elle assistait à une pièce de théâtre à la mode. Elle ne s'était pas retirée chez elle que toutes les gazettes de la Citatielle diffusaient déjà des rumeurs alarmistes. La favorite est très éprouvée par sa grossesse, titrait l'une d'elles, encore une fausse couche pour la veuve, clamait cyniquement une autre. Laissez donc de côté ces sottises, ma douce enfant, conseilla Bérénilde en trouvant Ophélie au boudoir absorbée dans un journal. Elle s'étendit voluptueusement sur une ottomane et réclama une infusion de camomille. Apportez-moi plutôt le recueil sur la table, là. Grâce à vous, je vais dorénavant avoir tout mon temps pour lire. Bérénilde avait souligné ce discours d'un sourire serein qui donna froid dans le dos à Ophélie. L'atmosphère s'assombrit d'un coup. Au dehors, les girouettes s'affolèrent sur les toits tandis qu'un vent gonflé d'orage s'élevait. Une goutte d'eau s'écrasa silencieusement contre une vitre du boudoir et, en l'espace de quelques secondes, l'épais rideau d'une averse s'abattit sur les jardins. Raidie par sa minerve, Ophélie se posta devant une fenêtre. Cela lui faisait étrange de voir autant de pluie tomber sans faire le moindre bruit ni former de flaques au sol. Cette illusion-là laissait vraiment à désirer. « Quel temps morose, mes aïeux !» soupira Bérénilde en tournant les pages de son recueil. « C'est à peine si j'arrive à lire. » Elle s'installa plus confortablement sur son ottomane et se massa les paupières avec délicatesse. « Madame souhaite-t-elle qu'on allume les lampes ?» proposa un valet qui ranimait le feu du poêle. « Non, ne gaspillez pas le gaz. » « Je suppose que je ne suis plus toute jeune. J'envie votre âge, ma chère fille. »« Il ne m'empêche pas de devoir porter des lunettes, » murmura Ophélie. « Pourriez-vous me prêter votre vue ?» demanda Bérénilde en lui tendant l'ouvrage. « Vous êtes une lectrice très réputée, après tout. » Son accent s'était fait plus sensuel. À croire qu'elle s'adonnait à un étrange jeu de séduction sur Ophélie. « Je ne suis pas cette sorte de lectrice, madame. »« Eh bien, vous l'êtes à présent. » Ophélie prit place sur une chaise et ramena ses cheveux derrière ses oreilles. Comme elle ne pouvait plier le cou, elle dut hisser le livre en hauteur. Elle jeta un coup d'œil à la couverture, « Les mœurs de la tour » du marquis Adalbert. « La tour ?» N'aurait-ce pas plutôt dû être la cour? Ce sont les maximes et les portraits d'un moraliste très célèbre là-haut, lui expliqua Bérénilde. Toute personne bien née doit l'avoir lu au moins une fois. Cette tour, qu'est-ce que c'est? Une métaphore? Pas le moins du monde, ma chère petite. La tour du seigneur Farouk est bien réelle. Elle surplombe la Citatielle. Vous n'avez pas pu ne pas la remarquer. C'est là-haut que les grands de ce monde viennent visiter notre Seigneur, que les ministres tiennent conseil, que les artistes les plus renommés donnent leurs représentations, que les meilleures illusions se confectionnent. Eh bien, cette lecture. Ophélie ouvrit le recueil et lut une pensée au hasard sur les conflits de la passion et du devoir. Pardonnez-moi, mais je ne vous comprends pas bien. La coupa Bérénilde. Pouvez-vous parler plus fort et avec un accent moins prononcé ? Ophélie sut aussitôt en quoi consisterait réellement sa punition. Un picotement familier lui donnait très mal à la tête, exactement comme cela s'était produit avec la sœur de Thorne. Des coussins de son ottomane, le sourire aux lèvres, Bérénilde se servait de son pouvoir invisible pour la corriger. Ophélie força sur sa voix, mais la douleur se fit plus forte entre ses tempes, et Bérénilde l'interrompit à nouveau. « Ainsi ça n'ira jamais. Comment pourrais-je éprouver du plaisir à vous écouter si vous grommelez toujours dans vos cheveux ?»« Vous perdez votre temps !» intervint Roselyne. « Ophélie a toujours eu une élocution désastreuse. » Assise dans un fauteuil, la tante examinait à la loupe les pages d'une vieille encyclopédie qu'elle avait piochée dans une bibliothèque. Elle ne lisait pas, elle se concentrait uniquement sur la qualité du papier. De temps en temps, elle faisait glisser son doigt sur une imperfection, une déchirure ou une tache d'humidité. La feuille était comme neuve après son passage. La tante Roselyne s'ennuyait tellement au manoir qu'elle rafistolait tous les livres qui lui tombaient sous la main. Ophélie l'avait même surprise, avec un pincement au cœur, en train de raccommoder le papier peint de la buanderie. Sa tante était comme elle, au fond. Elle supportait mal le désœuvrement. « Je pense qu'il serait bon pour votre nièce d'apprendre à s'exprimer en société, » déclara Bérénilde. « Voyons, chère petite, faites un effort et poussez donc sur vos cordes vocales. » Ophélie essaya de reprendre sa lecture, mais sa vision se faisait trouble. Elle avait l'impression que des pointes lui entraient dans le crâne. Alanguie sur son ottomane, Bérénilde l'observait du coin de l'œil avec ce sourire velouté qui ne la quittait pas. Elle savait qu'elle était responsable de sa souffrance, et elle savait qu'Ophélie le savait. « Elle veut me voir craquer, » réalisa Ophélie en crispant les mains sur son livre. « Elle veut que je lui demande à haute voix d'arrêter. » Elle n'en fit rien. La tante Roselyne, concentrée sur son encyclopédie, ignorait la punition qui était en train de se donner en silence. Si Ophélie faiblissait, si elle trahissait sa douleur, sa tante serait capable de commettre une bêtise et d'être punie à son tour. « Plus fort !» ordonna Bérénilde. À présent, Ophélie voyait double. Elle perdait complètement le fil de sa lecture. « Si vous embrouillez le sens des mots, vous allez transformer ce petit bijou de spiritualité en pelure de pomme de terre !» se désola Bérénilde. « Et cet accent épouvantable, faites donc un effort !» Ophélie referma l'ouvrage. « Pardonnez-moi, madame, je crois que le mieux est encore d'allumer une lampe pour que vous puissiez reprendre votre lecture. » Le sourire de Bérénilde s'étira plus encore. Ophélie songea que cette femme était pareille à une rose. Sous le velours se cachaient des épines impitoyables. « Le problème n'est pas là, ma chère fille. Un jour, lorsque vous serez mariée à mon neveu et que votre position sera plus affermie, il vous faudra faire votre entrée à la cour. Il n'y a aucune place là-haut pour les faibles d'esprit. » « Ma nièce n'est pas une faible d'esprit !» décréta sèchement la tante Roselyne. Ophélie ne les écoutait que d'une oreille, au bord de la nausée. La douleur sourde qui s'était dilatée dans sa tête s'évadait maintenant vers la nuque, en élancements aigus. Un domestique apparut à point nommé dans l'encadrement de la porte et abaissa un plateau d'argent vers Bérénilde. Sur le plateau, une petite enveloppe. « Cette chère Colombine va venir !» commenta Bérénilde après avoir décacheté le pli. « Les visites ne font que commencer. Mon indisposition n'est pas passée inaperçue. Et une fausse couche en ravirait plus d'une. » Bérénilde se leva langoureusement de son divan, puis redonna du gonflant à ses boucles d'or. « Madame Roselyne, ma petite Ophélie, je vais aller m'apprêter. Ma convalescence doit être crédible. Il me faut un maquillage approprié. Un domestique va bientôt vous raccompagner à vos chambres. Vous n'en bougerez pas tant que je recevrai. » Ophélie poussa un soupir de soulagement. La diversion avait mis un terme à son calvaire. Elle voyait de nouveau clair et le mal de tête avait cessé. Elle aurait vraiment pu croire, s'être imaginé ce qu'elle venait de vivre, n'eût été la nausée qui lui remuait encore le ventre. Bérénilde pencha sur elle son sourire lumineux et lui caressa la joue avec une tendresse déconcertante. Ophélie sentit un frisson lui parcourir la nuque, juste sous sa minerve. faites-moi plaisir, ma douce petite. Mettez votre temps libre à profit pour travailler votre diction. » Nom d'un bigoudi ! Elle ne mâche pas ses mots ! S'exclama la tante Roseline lorsque Bérénilde dut quitter le boudoir. « Cette femme est plus sévère qu'il n'y paraît de prime abord. C'est de porter l'enfant d'un esprit de famille qui lui monte ainsi à la tête. » Ophélie jugea préférable de garder le fond de sa pensée pour elle. Sa marraine referma son encyclopédie, posa sa loupe et sortit des épingles d'une poche de sa robe. « Mais elle n'a pas complètement tort, » poursuivit-elle en relevant les boucles brunes d'Ophélie. « Tu es destinée à devenir une femme du monde. Il faudrait soigner ta présentation. » Ophélie laissa Roseline lui confectionner un chignon. Elle tirait sans doute trop fort sur ses cheveux, mais ce rituel simple, un tantinet maternel, l'apaisa petit à petit. « Je ne te fais pas trop mal ?»« Non, non, » mentit Ophélie d'une petite voix. « Avec ce cou bloqué, ce n'est pas commode de te coiffer. Je pourrais bientôt ôter cette Minerve. » Ophélie sentit sa gorge se nouer pendant que sa tante pestait contre ses nœuds. Elle savait que c'était très égoïste de sa part, mais la pensée que cette femme partirait un jour lui était intolérable. Si sèche et rude fut-elle, c'était la seule personne qui l'empêchait de devenir toute froide à l'intérieur depuis leur arrivée ici. « Ma tante ?»« marmonna Roseline, une épingle pincée entre ses dents chevalines. « La maison, ça ne vous manque pas trop ?» La tante Roseline lui retourna un regard étonné et piqua la dernière épingle dans son chignon. Prenant Ophélie au dépourvu, elle la serra dans ses bras et lui frotta le dos. « Et c'est toi qui me le demandes ?» Cela ne dura que le temps d'une respiration. La tante Roseline recula d'un pas, reprit son air guindé et houspilla Ophélie. « Tu ne vas pas flancher maintenant tout de même du nerf. Montre donc à ces nobliaux ce que tu vaux. » Ophélie sentit son cœur battre plus fort entre ses côtes. Elle ne savait pas vraiment d'où lui venaient ses battements, mais un sourire lui monta jusqu'aux lèvres. « D'accord. » La pluie tomba toute la journée, ainsi que le lendemain et le reste de la semaine. Bérénilde ne cessait de recevoir des visiteurs au manoir, confinant Ophélie et la tante Roseline dans leurs appartements. On leur montait leur repas, mais on ne se souciait guère de leur donner de quoi lire ou s'occuper. Les heures parurent interminables à Ophélie. Elle se demanda combien de jours encore durerait ce défilé d'aristocrates. Quand elles prenaient le souper ensemble tard le soir, Ophélie devait endurer les épines de Bérénilde. Charmante et délicate sur la première partie du repas, elle réservait ses flèches empoisonnées pour le dessert. « Que cette fille est empotée !» se lamentait-elle lorsqu'Ophélie renversait du pudding sur la nappe. « Vous êtes ennuyeuse à mourir, » soupirait-elle dès qu'un silence se prolongeait. « Quand vous déciderez-vous à brûler cette horreur ? » sifflait-elle en pointant du doigt son écharpe. Elle lui faisait répéter toutes ses phrases, raillait son accent, critiquait ses manières, l'humiliait avec un savoir-faire remarquable. Et si elle jugeait qu'Ophélie ne fournissait pas suffisamment d'efforts pour s'améliorer, elle lui soufflait des migraines atroces dans le crâne jusqu'à la fin du repas. Ce petit cérémonial acheva de conforter Ophélie dans sa certitude. Ce n'était pas là des toquades de femme enceinte, c'était le véritable visage de Bérénilde. Du jour au lendemain, toutes les visites cessèrent au manoir. Ophélie, qui pouvait enfin se dégourdir les jambes dans la demeure, comprit pourquoi en tombant sur la Gazette du jour. Monsieur Thorne a annoncé hier que son intendance serait fermée pour une durée indéterminée, plaignant « Revoyez votre calendrier en conséquence. Son secrétaire nous a fait savoir qu'il se retirera le temps nécessaire auprès de sa tante, favorite parmi les favorites, dont on dit que la santé décline. Monsieur Thorne serait-il un neveu plus prévenant qu'il n'en a l'air, à moins que cet incorrigible comptable n'entende veiller à ce que les dispositions testamentaires de Bérénilde lui restent favorables. Nous laisserons à nos lecteurs le soin de se faire leur propre opinion sur la question. » Ophélie sourcilla. Thorne n'était vraiment pas un homme populaire. À la seule annonce de sa venue ici, les lieux s'étaient vidés. Libérée de sa minerve, elle se massa machinalement le cou. Si cela signifiait qu'elle pourrait bientôt voir autre chose que les murs de sa chambre à longueur de temps, elle n'allait pas s'en plaindre. À force de rester cloîtrée, elle avait perdu le sommeil. Dès que Bérénilde apprit que son neveu allait arriver sous peu, elle se montra sans pitié avec les domestiques. Il fallait aérer entièrement la demeure, changer les literies, battre chaque tapis, ramener toutes les cheminées, dépoussiérer les meubles. Elle se montrait si pointilleuse, si intransigeante sur des détails insignifiants, qu'une jeune soubrette finit par éclater en sanglots. Ophélie trouvait l'attitude de Bérénilde incompréhensible. Elle se donnait plus de mal pour accueillir son neveu que pour recevoir des invités de Marc. Ce n'était pas comme s'il ne venait jamais la voir, non? Le jour suivant, tôt dans la matinée, Thorne franchit l'entrée du manoir. Ses bras étaient chargés d'une telle pile de dossiers que c'était à se demander comment ce grand maigre pouvait encore conserver son équilibre. « Il pleut chez vous, » dit-il en guise de bonjour. « Tu as emporté tout ce travail ici. » Le railla gentiment Bérénilde qui descendait l'escalier, une main sur le ventre. « Je croyais que tu devais veiller sur moi. » « Veiller sur vous, oui. Restez les bras croisés. Non. » Thorne lui avait répondu d'une voix monocorde, sans un regard pour elle. Il avait hissé ses yeux plus haut, au sommet des marches, là où Ophélie était occupée à rattacher les lacets de sa bottine. Quand elle s'aperçut que Thorne la fixait d'un air impassible, encombré de ses dossiers, elle lui adressa un poli signe de tête. Restait à espérer que cet homme ne lui réserverait pas le même traitement que Bérénilde. Ce matin-là, ils prirent le petit déjeuner tous ensemble. Revoir Thorne à cette table n'enchantait guère la tante Roseline, aussi préféra-t-elle observer un silence de bon aloi. Ophélie, elle, était secrètement aux anges. Pour la première fois depuis une éternité, Bérénilde avait oublié son existence. Elle était tout à son neveu, lui lançant des œillades charmeuses, le taquinant sur sa maigreur, s'intéressant à son travail et lui rendant grâce de l'attirer de son ennui. Elle ne paraissait pas s'apercevoir que Thorne répondait et mangeait du bout des lèvres, comme s'il se faisait violence pour ne pas être grossier. En voyant Bérénilde s'animer de la sorte, les joues roses de contentement, Ophélie en fut presque amusée. Elle commençait à croire que cette femme avait le besoin viscéral d'être la maman de quelqu'un. L'atmosphère changea brutalement quand Thorne ouvrit la bouche. « Vous êtes souffrante. » Il s'était adressé non pas à sa tante, mais à sa fiancée. Il aurait été difficile à cet instant de déterminer qui, de Bérénilde, de la tante Roseline ou d'Ophélie, fut la plus stupéfaite. « Non, non !» finit par bredouiller Ophélie en contemplant son œuf sur le plat. Elle se savait amaigrie, mais avait-elle à ce point mauvaise mine pour que Thorne lui-même en fût choqué ?« Tu penses, cette petite est choyée !» soupira Bérénilde. « C'est plutôt moi, en somme, qui m'épuise à lui inculquer un peu d'éducation. Ta fiancée est aussi taciturne qu'indocile. » Thorne décocha un coup d'œil soupçonneux aux fenêtres de la salle à manger. L'averse tombait sans répit, posant sur le paysage un voile impénétrable. « Pourquoi pleut-il ? » C'était la question la plus bizarre qu'Ophélie avait jamais entendue. « Cela n'est rien, » assura Bérénilde avec un sourire enjôleur. « Je suis juste un peu sur les nerfs. » Ophélie contempla alors d'un regard neuf la pluie qui tambourinait contre les carreaux sans faire de bruit. Ce temps reflétait-il les humeurs de la propriétaire ? Thorne décrocha sa serviette et se leva de table. « En ce cas, vous pourrez reposer vos nerfs, ma tante, je prends la relève. » Ophélie fut aussitôt priée de se rendre avec sa marraine dans la bibliothèque. Cela ne les ravit pas particulièrement. Après les toilettes, c'était l'endroit le plus glacial du manoir. Thorne avait déjà méthodiquement empilé ses dossiers sur un bureau au fond de la pièce. Il ouvrit grand une fenêtre, puis, sans un mot pour ces dames, il plia ses interminables jambes derrière son bureau et se plongea dans l'étude d'un échéancier. « Et nous ?» s'offusqua la tante Roseline. « Vous prenez un livre, » marmonna Thorne. « Il me semble que ce n'est pas ce qui manque ici. »« Ne pouvons-nous pas au moins sortir un peu ? Nous n'avons pas mis les pieds dehors depuis une éternité. »« Vous prenez un livre, » répéta Thorne avec cet accent dur qui le caractérisait. Excédée, la tante Roseline s'empara furieusement d'un dictionnaire, se posta le plus loin possible de Thorne, à l'autre bout de la salle, et se mit à examiner l'état du papier, page après page. Non moins déçue, Ophélie s'accouda à la fenêtre et respira l'air inodore du jardin. La pluie qui tombait à verse disparaissait au moment de rebondir sur ses lunettes, comme si l'illusion ne pouvait pousser plus loin ses limites. Il était vraiment étrange de se recevoir sur le visage une eau qui ne mouillait pas. Ophélie tendit sa main. Elle pouvait presque toucher les rosiers devant elle. Elle aurait préféré un vrai jardin avec de vraies plantes et un vrai ciel, mais elle brûlait d'envie d'enjamber cette fenêtre. Sa punition n'avait-elle pas assez duré? Elle observa Thorne du coin des lunettes, trop à l'étroit derrière le petit bureau, les épaules voûtées, le front bas, son nez tranchant penché sur un dossier. Il paraissait indifférent à tout ce qui n'était pas sa lecture. Ophélie aurait pu aussi bien ne pas être là, entre Bérénilde qui faisait une véritable fixation sur elle et cet homme qui paraissait à peine conscient de son existence, elle aurait décidément du mal à trouver sa place dans cette famille. Ophélie prit un ouvrage, s'assit sur une chaise et se bloqua dès la première ligne. Il n'y avait que des œuvres savantes dans cette bibliothèque. Elle n'en comprenait pas un traître mot. Le regard dans le vague, elle caressa sa vieille écharpe roulée en boule sur ses genoux et laissa le temps couler lentement sur elle. « Que me veulent ces gens à la fin ?» se demanda-t-elle, perdue dans ses pensées. « Ils me font assez sentir que je ne suis pas à la hauteur de leurs attentes, alors pourquoi se donnent-ils autant de mal pour s'encombrer de moi ?»« Vous vous intéressez à l'algèbre ?» Ophélie se tourna vers Thorne d'un air étonné, puis massa son cou douloureux. Les mouvements brusques lui étaient déconseillés, mais elle s'était laissée prendre par surprise. Les coudes sur le bureau, Thorne posait sur elle un regard aigu. Elle se demanda depuis combien de temps ses yeux métalliques la décortiquaient de la sorte. « L'algèbre ? » répéta-t-elle. Thorne lui désigna du menton le précis qu'elle tenait à la main. « Oh, ça, je l'ai pris au hasard. » Elle ramena ses pieds sous sa chaise, tourna la page et fit semblant d'être concentrée sur sa lecture. Bérénilde s'était suffisamment moquée d'elle avec les mœurs de la tour. Elle espérait que Thorne ne la tourmenterait pas avec les mathématiques. Un comptable comme lui devait être imbattable sur ce terrain. « Que se passe-t-il entre ma tante et vous ?» Cette fois, Ophélie considéra Thorne avec le plus grand sérieux. Elle ne se faisait donc pas des idées. Cet homme essayait réellement d'engager la conversation. Elle eut un coup d'œil hésitant pour sa marraine. La tante Roseline s'était assoupie, son dictionnaire sur les genoux. Ophélie prit son écharpe dans ses bras, reposa le précis d'algèbre sur son étagère et s'approcha du bureau de Thorne. Elle le regarda bien en face, lui assis, elle debout, même si elle trouvait un peu vexant de rester la plus petite des deux. Cet homme était vraiment l'incarnation de l'austérité, avec cette figure excessivement anguleuse, ses cheveux pâles trop bien peignés, ses yeux effilés comme des rasoirs, ses sourcils perpétuellement froncés, ses mains maigres qu'il croisait devant lui, et cette bouche maussade qui ne souriait jamais. Ce n'était pas précisément le genre de personne qui inspirait d'emblée l'envie de se confier. « Il se passe que votre tante ne me pardonne pas mon escapade. » déclara Ophélie. Thorne émit un reniflement ironique. « C'est le moins qu'on puisse dire. Cette averse est symptomatique. La dernière fois que le temps s'est dégradé à ce point ici, l'affaire s'est conclue sur un duel à mort entre ma tante et une courtisane. J'aimerais autant éviter de vous voir en arriver à de telles extrémités. » Les lunettes d'Ophélie blêmirent. « Un duel à mort ?» Ces pratiques dépassaient son entendement. « Je n'ai aucune intention de me battre contre votre tante, » le rassura-t-elle. « Peut-être la cour lui manque-t-elle » « Plutôt Farouk. » Ophélie ne savait pas ce qui la choquait le plus. Que Bérénilde attendît un enfant de son propre esprit de famille ou le mépris qu'elle avait décelé dans la voix de Thorne. Ce Farouk inspirait vraiment à sa descendance les sentiments les plus contradictoires. Elle passa une main songeuse sur son écharpe comme elle l'aurait fait avec un vieux chat. Et cet homme, attablé en face d'elle, que devait-elle penser de lui, au fond? Pourquoi les gens d'ici vous détestent-ils? Il y eut un éclair de surprise dans les yeux incisifs de Thorne. Il ne s'était sans doute pas préparé à une question aussi directe. Il se tut un long moment, les sourcils froncés à s'en fendre le front, avant de desserrer les dents. Parce que je ne respecte que les chiffres. Ophélie ne fut pas bien certaine de comprendre, mais elle supposa qu'elle devrait se contenter de cette explication pour l'instant. Elle trouvait déjà surréaliste que Thorne se fût donné la peine de lui répondre. Elle avait l'impression, peut-être trompeuse, qu'il ne lui était plus aussi hostile qu'auparavant. Ça ne le rendait pas forcément aimable, il se montrait toujours aussi renfrogné, mais l'atmosphère était moins crispée. Était-ce à cause de leur dernière conversation? Tant n'avait-il pris en considération ce qu'elle lui avait dit? « Vous devriez vous réconcilier avec ma tante, » reprit-il en rétrécissant les yeux. « Elle est la seule personne digne de confiance. Ne vous en faites surtout pas une ennemie. » Ophélie s'accorda un instant de réflexion que Thorne mit à profit pour remettre le nez dans ses papiers. « Parlez-moi du pouvoir de votre famille, » se décida-t-elle à demander. Thorne leva les yeux d'un rapport et arqua les sourcils. « Je suppose que vous entendez parler à la famille de mon père. » maugréa-t-il. Comme personne n'y faisait jamais allusion, Ophélie avait parfois tendance à oublier que Thorne était l'enfant illégitime de deux familles. Elle craignit un instant d'avoir commis un impair. « Oui, enfin, si vous possédez ce pouvoir vous-même, cela va de soi. » « Pas sous sa forme la plus puissante, mais je le possède. Je ne peux pas vous en offrir une démonstration sans vous faire mal. Pourquoi cette question ?» Ophélie éprouva un vague malaise. Il y avait une tension soudaine dans la voix de Thorne. « Ce que m'a fait subir votre sœur, je n'y étais pas préparée. » Elle jugea préférable de passer sous silence les migraines de Bérénilde, mais Thorne la prit de court. « Ma tante use-t-elle de ses griffes sur vous ?» Les doigts croisés contre son menton, il observait Ophélie avec attention dans l'expectative. C'était sans doute un effet d'optique, mais sa cicatrice aux sourcils rendait son personnage particulièrement perçant. Embarrassée, Ophélie ne pouvait pas répondre à cette question piège. Si elle disait oui, contre qui serait-il réellement fâché en définitive? Contre sa tante de malmener sa fiancée ou contre sa fiancée de trahir sa tante? Peut-être ne serait-il pas fâché du tout et que c'était là une simple curiosité de sa part. « Parlez-moi des griffes, » éluda-t-elle. Un courant d'air se frotta à ses chevilles. Ophélie éternua à s'en faire mal aux os de toute la nuque. Après un bon coup de mouchoir, elle jugea plus correct d'ajouter « S'il vous plaît ». Prenant appui sur ses poings, Thorne arracha du bureau son corps à rallonge. Il retroussa jusqu'au coude les manches de sa chemise. Ses bras maigres étaient sillonnés de cicatrices, pareilles à celles qu'il portait au visage. Ophélie essaya de ne pas les regarder trop fixement, de peur de paraître impolie, mais elle était perplexe. Comment un comptable qui occupait un poste aussi important pouvait-il être abîmé à ce point? « Comme vous pouvez le constater, » dit Thorne d'une voix morne, « je ne porte pas sur moi la marque distinctive du clan. Cependant, je suis l'exception qui confirme la règle. Tous les nobles en ont une. Ayez toujours le réflexe de localiser le tatouage de chaque personne que vous croisez. C'est l'emplacement qui compte, pas le symbole. » Ophélie n'était pas particulièrement expressive. Elle eut pourtant du mal à dissimuler son étonnement. Thorne avait pris l'initiative de la conversation et voilà qu'il répondait maintenant aux questions. Curieusement, ça sonnait faux. Cet effort semblait coûter à Thorne, comme s'il se faisait violence pour ne pas replonger dans ses dossiers. Ce n'était pas par plaisir qu'il se montrait bavard. Alors, pourquoi? Les dragons portent la marque du clan aux mains et aux bras, enchaîna-t-il cependant imperturbable. Évitez de croiser leur route et ne répondez jamais à leurs provocations, si humiliantes soient-elles. Ne vous fiez qu'à ma tante. Cela s'était vite dit. Ophélie contempla la fenêtre que Thorne avait refermée. La fausse pluie s'y abattait maintenant dans un silence perturbant, sans jamais y laisser la moindre traînée d'eau. « Torturée à distance, » chuchota-t-elle. « Est-ce une autre sorte d'illusion ?»« C'est beaucoup plus brutal qu'une illusion, mais vous avez saisi le principe, » grommela Thorne en consultant sa montre à gousset. « Les griffes agissent comme un prolongement invisible de notre système nerveux. Elles ne sont pas réellement tangibles. » Ophélie n'aimait pas parler à quelqu'un sans voir son visage. Elle voulut hisser les yeux vers Thorne, mais elle ne put aller au-delà des boutons de son col officier. Elle avait gardé des raideurs dans la nuque, et cet homme était insolemment grand. « Les brutalités de votre sœur m'ont paru très tangibles, » dit-elle. « Parce que son système nerveux a directement agressé le vôtre. Si votre cerveau est convaincu que le corps souffre, alors le corps s'arrangera pour que ce soit effectivement le cas. Thorne avait dit cela comme si c'était la plus élémentaire des évidences. Peut-être était-il moins cassant. Il n'avait pas perdu toute condescendance pour autant. « Et quand on est attaqué par un dragon ?» murmura Ophélie. « Jusqu'où le corps peut-il jouer le jeu du cerveau ?»« Douleur, fracture, hémorragie, mutilation, » énuméra Thorne sans état d'âme. « Tout dépend du talent de celui qui vous attaque. » Du coup, Ophélie n'osait plus du tout regarder ses cicatrices. C'était les siens qui lui avaient fait ça. Comment pouvait-il parler de talent? Elle grignota les coutures de son grand. Elle ne se permettait généralement pas de le faire devant quelqu'un, mais là, elle en avait vraiment besoin. Les croquis d'Augustus lui revinrent comme une claque. Ces chasseurs au regard dur et arrogant, capables de tuer des bêtes sans avoir recours à des armes. Il serait sa nouvelle famille. Ophélie ne comprenait tout simplement pas comment elle pourrait survivre parmi eux. « Je mesure maintenant la portée de vos paroles, dans le dirigeable, avoua-t-elle. « Vous avez peur? Voilà qui ne vous ressemble pas. » Ophélie leva vers Thorne un regard surpris, mais son cou protesta et elle dut rebaisser la tête. Ce qu'elle avait entreaperçu de lui toutefois la laissa songeuse. Les yeux de rasoir l'observaient avec de la hauteur et de la distance, mais ce n'était pas réellement de la condescendance, plutôt une lointaine curiosité, comme si cette petite fiancée s'avérait moins inintéressante qu'on ne s'y attendait. Ophélie ne put s'empêcher de s'agacer. « Comment pouvez-vous prétendre savoir ce qui me ressemble ou non? Vous n'avez jamais pris la peine d'essayer de me connaître ?» À cela, Thorne ne répondit rien. Le silence qui était brutalement tombé entre eux parut s'étirer à l'infini. Ophélie commençait à trouver gênant de rester plantée devant cet homme, raide comme un monolithe, les bras ballants, trop grand pour qu'elle pût voir l'expression de sa figure. Un bruit retentissant au fond de la bibliothèque la tira d'embarras. Le dictionnaire de la tante Roseline avait glissé de ses genoux et s'était écrasé sur le parquet. La duègne se réveilla en sursaut, promenant un regard hébété autour d'elle. Elle ne tarda pas à surprendre Thorne et Ophélie près de la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est que ces manigances ?» s'indigna-t-elle. « Veuillez reculer d'un pas, monsieur. Vous vous tenez trop près de ma nièce. Vous ferez tout ce que bon vous semble lorsque vous serez unis par les liens sacrés du mariage. »